Cette fois, c'est la bonne. Faustine est déçue. Il y a tant de tensions au sein du personnel que la thérapie s'en ressent fortement. Cela ne ressemble pas du tout au programme de la métairie, cette clinique suisse tant vantée par maman. Faustine a l'impression d'avoir affaire ici à des guignols. En 3 semaines, hormis 2 séances d'atelier d'écriture et 5 séances d'alcoolique anonyme à l'extérieur, elle n'a fait que tricoter et changer de coiffure. Elle est en train de perdre son temps et cela, elle n'aime pas du tout. Dans quelques jours, Maxime sera là. Faustine a obtenu l'autorisation de passer la journée avec lui. Elle fomente un complot pour sortir déjà la nuit précédente, malgré l'interdiction et avec dans l'idée de l'attendre à son hôtel. Comment ne pas être prise en faute? Il suffit d'un peu d'organisation. Le jour J, elle balance son Bézonville dans le jardin par la fenêtre de sa chambre, qui donne du bon côté. Celui qui permet de rejoindre la route cantonale à l'abri des regards en passant sous le couvert des arbres du parc. Grâce à la complicité de Maya, Faustine sort tout naturellement. Elle a enfilé sa robe de chambre par-dessus ses vêtements et simplement demandé l'autorisation de sortir en fumer une. Sitôt tourné le coin du bâtiment, la fugueuse confie son peignoir à Maya, puis elle rejoint l'hôtel. Vers 22 h, Faustine s'installe dans la chambre réservée pour Maxime. Elle attend 1 heure, 2, 3, finit par s'endormir. Son homme se pointe à 6 h du matin. Sans attendre, il plonge sous les draps et la réveille avec une virulence décuplée par des mois d'abstinence. Laquelle virulence finit par provoquer des crampes douloureuses. Pauvre Faustine, elle s'attendait à plus de ménagement, plus de douceur, plus de tendresse, quoi. Un peu plus tard, laissant Maxime se taper la corvée d'aller chercher ses parents à la gare, ces derniers ayant eu le bon goût de s'annoncer en même temps que lui, Faustine s'installe dans la salle à manger de l'hôtel. Avant de partir, son cher mari lui a transmis un récapitulatif de ses dernières dépenses. Toute déduction faite, il ne lui reste plus que 800 francs pour finir le mois. La présentation de cette facture juste après leur retrouvaille et leur séance amoureuse blesse profondément la jeune femme, au point que lorsqu'elle se retrouve seule, elle la soumet à maman, histoire de rajouter de l'eau à son moulin. Mais à part lever les yeux au ciel, que faire? Après un copieux petit déjeuner, les parents s'installent dans leur chambre pendant que Faustine fait visiter la vieille ville à son chéri. « Oh, regarde, c'est jour de marché !»« Ça tombe bien, j'ai besoin de nouvelles chaussures. Les miennes sont fichues. Tu me les offres? Je n'ai pas de cash sur moi. » Et Faustine d'ouvrir son porte-monnaie. En milieu de matinée, les deux couples décident de faire un tour dans la région. Maxime prend le volant en direction de Sauveterre de Béarn. La région est magnifique. Le soleil est de la partie aussi. Chaque fois qu'ils sortent de la voiture, les douleurs abdominales de Faustine reprennent. Elle se retient difficilement de hurler, marchant le plus doucement possible. Au restaurant, cela se calme un peu, mais sitôt après, c'est reparti comme en 40. Faustine ne sait plus quoi faire. Maman, mise au courant, partage ses analgésiques, mais rien n'y fait. Faustine prend sur elle, se mord les lèvres au sang. Maxime roule indéfiniment dans la belle campagne française. Ils auront fait 8 heures de bagnole ce jour-là. À la fin, Faustine n'en peut plus. Elle demande qu'on la conduise à l'hôpital. « D'accord, accepte Maxime. Je t'accompagne jusqu'à ta prise en charge. Mais je n'attendrai pas les résultats avec toi. Il faut absolument que je file, j'ai de la route. Toute la semaine prochaine, j'anime un séminaire à la Gaude. Ce week-end, je le passe avec mes filles. Je te téléphonerai depuis Cagnes, tu me diras ce qu'ils ont trouvé. Le service des urgences étant désert, on s'occupe immédiatement de la malade. Elle subit une échographie sans résultat probant. Mystère absolu. Au vu des douleurs ressenties, Faustine pensait pourtant avoir un gros problème. Sans attendre la fin de la séance, Maxime répète « Je dois te laisser, mon amour. Prends soin de toi. Je t'aime. À bientôt, à Saint-Rémy. » À peine son époux a-t-il tourné les talons que l'atroce douleur s'évanouit. C'est un véritable miracle. Faustine n'y comprend rien. Les médecins non plus. Ils la laissent partir. Elle est tellement soulagée qu'elle danse sur tout le trajet du retour. Rentrée au château, elle se couche et s'endort aussitôt, épuisée par ses émotions. Le lendemain, papa prend le train pour Biarritz. Il rêvait de revoir la cité balnéaire qui a abrité ses premières amours. En début d'après-midi, Faustine rejoint maman dans l'arrière-salle du café où elle s'était donné rendez-vous. Après avoir raconté son incroyable guérison, Faustine entre dans le vif du sujet. « Dis-moi, c'était comment la métairie ?»« Fabuleux. On était chouchoutés, dorlotés. Tu aurais vu ces... » Mais sur le plan du suivi médical et psychologique, un programme très chargé. Chaque jour, des groupes de parole sur le modèle des alcooliques anonymes, puis de la sophrologie, de la relaxation, des activités multiples, des entretiens avec un psy. On n'avait pas une minute à soi. Pas le droit de sortir en ville non plus, du moins la première semaine. Pourquoi ? Ce n'est pas la même chose après ville ? Non, pas du tout. Enfin, si, on a eu deux groupes de partage jusqu'à aujourd'hui. Et ça fait deux semaines que je suis là. Deux ateliers d'écriture et je suis allée à quatre séances des alcooliques anonymes. À part ça, il se passe rien. Rien du tout. Nada. Mais pourquoi ? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que plus ça va, plus j'ai peur de sortir. Je ne me sens ni prête ni solide et si je sors d'ici dans cet état, je suis sûre de replonger immédiatement. Justement, si on en parlait... Pardon ? Oui. Est-ce que tu penses réellement retourner à Paris, reprendre ta vie d'avant ? Bien sûr, pourquoi pas ? Tu n'as pas compris que si tu y retournes dans ce contexte, tout va recommencer ? Je ne vois pas pourquoi. Je suis guérie, j'ai arrêté de boire. Maxime a enfin compris que je ne devais plus jamais boire d'alcool de ma vie. Il va m'aider maintenant, il me l'a promis. Tu crois ça à toi ? Oui. Après tout ce que je lui ai fait subir ces dernières années, il mérite de retrouver la femme qu'il a aimée. Je ne peux pas le quitter maintenant que tout va mieux, si ? C'est donc juste une question de loyauté ? On peut dire ça, oui. Et l'amour ? L'amour ? Tu l'aimes encore ? Je ne sais pas. Je pense, oui. Mais je suis sûre que nous pourrons tout reconstruire si je suis guérie. On va repartir de zéro. Ce sera notre seconde chance. C'est toi-même qui m'as dit que l'amour se travaille, que rien n'est jamais acquis. Mais tu te rends compte que tu risques ta vie, là ? Comment ça ? Tu as failli mourir, Faustine. Mourir ! Parce que cela fait des années que tu es malheureuse. Exploitée, abusée, trompée. Tu as déjà tout oublié ? Je l'ai cherché aussi, c'est de ma faute. Si j'avais pas bu, si Julien n'était pas mort, tout ça ne serait jamais arrivé. C'est ce que tu en penses. Tu prends tout sur toi. Oui, il n'est pas alcoolique, Maxime. Et même sans ça, je me dois de réparer mes erreurs envers lui. C'est une question d'honnêteté. On ne quitte pas un homme au moment où on va mieux. Ce n'est pas loyal. Tu es décidément indécrottable. Tu t'imagines qu'il va, lui, changer du jour au lendemain ? Cela fait des années que tu t'es perdu dans ce labyrinthe sans trouver la sortie. Tu buvais bien avant que Julien n'arrive dans ta vie. Et Maxime n'y est pas totalement étranger, même si tu prends ta part de responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire alors ? Le trahir ? Tu dois sauver ta peau. Mais elle est sauvée déjà. Si tu retournes vers lui, je ne te donne pas 2 mois avant de rechuter. Tu vas te retrouver exactement dans le même piège. Toi, tu as essayé de changer, mais lui, il ne changera jamais. On ne change jamais l'autre, tu devrais le savoir maintenant. Il restera toujours le même. Et les divergences fondamentales dans votre couple, votre éducation, la différence d'âge vont refaire surface. En plus, tu perds toutes tes chances d'avoir un autre enfant. Crois-moi, ma chérie, si tu y retournes, tu repars pour un tour et la prochaine fois, tu ne te rattrapes pas. Tu es jeune encore, tu as une occasion unique de recommencer ta vie. Ne la laisse pas s'échapper. Tu crois ? J'en suis sûre. Mais je vais perdre tous mes amis, me retrouver seule. À Paris, j'ai tissé des liens, construit quelque chose. Je suis l'épouse d'un musicien reconnu. J'ai un boulot que j'adore. Je voyage. Et puis, femme de musicien, d'ingénieur, un bon boulot, une belle voiture, des voyages, la belle affaire. Remarque, s'il n'y a que ça qui t'intéresse, tu vas bien finir par le retrouver. À supposer que tu le veuilles encore, parce que c'est un peu superficiel tout ça, non? Quand t'as y laissé ta vie, et la nationalité française que je vais recevoir d'un jour à l'autre, j'en fais quoi? Je la prends et je me casse en Suisse? Ils ne vont pas me l'enlever si je ne vis plus ici. Quelle importance! Tu ne la voulais que pour le principe. Mais j'ai peur d'être seule, tu comprends? Et si je ne retrouve plus jamais quelqu'un à aimer, je ne suis pas sûre d'être prête pour le célibat. Pauvre idiote, tu ne sais rien de la vie. Ah, il a bien su te démolir. Je le déteste de t'avoir fait ça. J'y suis aussi pour quelque chose. Arrête de faire son jeu. Écoute ta vieille mère. Je ne peux pas te promettre un jardin de roses. Toutes les vies ont leurs épreuves et leurs parcours. Peut-être que tu ne rencontreras plus personne, mais à mon avis, ça ne sera pas le cas. La seule chose dont je suis certaine, tu entends, Fifi, absolument certaine, c'est que tu dois sortir de ce piège et que tu dois le faire maintenant. Dis-moi comment alors? On va aller voir ton médecin le plus vite possible. On signe tous les papiers qu'il voudra. On te sort d'ici, tu remontes avec moi à Lausanne, je te loge, tu trouves un boulot, tu refais ta vie. Mais je n'ai pas un rond. Même pas pour mon billet de train. T'inquiète pas pour ça. Tu viens vivre à la maison pour commencer. D'ici quelques semaines, tu seras salarié et tu verras. Il n'y a pas de chômage en Suisse pour les bosseuses. Je t'avance les sous et tu me rembourseras. Et les risques de rechute? Ils disent qu'on doit rien changer à sa vie au début du sevrage si on ne veut pas replonger aussi sec. Il y a d'innombrables groupes d'alcooliques anonymes dans toute la Suisse. Tu pourras y aller tous les jours si tu veux. Tu ne seras pas perdu. Tu auras très vite une nouvelle famille. Mais Jacques? Qui? Mon patron à la Prana. Il m'a donné tellement. Je lui dois toujours les 18 000 francs que nous avions empruntés pour payer la maison. Comment je vais faire? Je dois le rembourser. Former quelqu'un pour prendre ma place. Jacques est un ami. Un vrai. Ce soir, tu lui écris une lettre pour le préparer. À Paris, on l'invitera au restaurant et tu lui expliqueras tout ça. Ça fait si longtemps que tu es aux abonnés absentes. Ils ont pris l'habitude de se passer de toi. Quant au fric, laisse Maxime s'en occuper. Tu sais, la terre tournera aussi bien sans toi. Personne n'est indispensable. T'as raison. Je sais. Mets-toi bien dans la tête que c'est une question de vie ou de mort cette fois. Retourner auprès de Maxime, même si tu l'aimes encore un peu, c'est courir à ta perte. Tu as assez souffert. Ben, il a changé, tu sais. Chasser le naturel. Il n'aura fallu que 2 heures à sa mère pour convaincre Faustine de balayer ses scrupules, oser la liberté. Cette fois, maman s'est montrée à la hauteur. Pour Faustine, c'est une renaissance. Elle se sent enfin désirée.